grandir loin de la côte. Des mères de famille qui offraient du shit ou de la coke. J'ai vu des couples se marier puis se cartonner. Des frères se traire puis se pardonner. J'ai vu des gens bien finir mal entourés. J'ai vu des potes se checker, se tirer dessus, le dos tourné. À part ça, y'a quoi de ne faire rien. Des meufs bien devenir des putes et des putes devenir des meufs bien. Des politiciens nous traiter de racailles. Ma mère t'a fait pour un salaire qui pousserait au braquage. La liberté ici c'est aller dans leur sang. J'ai vu Hakim et Resco baigner dans leur sang. J'ai vu leur mère verser toutes les larmes de leur corps. Ne jamais se relever ni se remettre de leur mort. Je me suis vu penser que le prochain serait moi. Depuis 2006, que l'avenir serait noir. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant le retour de son sacrifice. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant son corps santé par ses vices. Sous parapluie de la vengeance on s'abritait. La haine, la drogue et la violence cohabitaient. J'ai vu la France te parler d'égalité. Des histoires d'argent ou de putes brisées, des amitiés. J'ai vu des larmes à demi-sang, à demi-sel. Des guerres de religion en 2016. Les conséquences quand t'avances au fond du trou. Ma mère a vu son père pendu la corde autour du cou. Ma haine s'endormira à côté d'une balle. Que l'argent n'était que l'astre, c'est du diable. Que l'homme changera lorsqu'il deviendra célèbre. Des femmes choisirent leur mec selon le prix de la Mercedes. Des mecs votés alors que l'État se payait leur tête. Toute leur vie à taffer juste pour payer leur dette. Que ma vie est noire donc que le flow est nonchalant. Tous ces rappeurs de merde confondent le buzz et le talent. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant le retour de son sacrifice. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant son corps santé par ses vices. J'ai vu des gosses qui rêvent de devenir. Des potes partir sans jamais revenir. Encore cette nuit, je ne dormirai pas. J'ai fait un rêve, j'ai vu mes espoirs dans un pire état. Des histoires de barrettes et de plaquettes. Des poteaux endettés un soir finir par disparaître. J'ai vu des kills et des kills et des kilos. J'ai vu mon blast dans des disserts de philo. J'ai rarement vu l'être humain marcher droit. J'ai vu la trahison et tous ces stars en bas de chez moi. Que logiquement, le diable a force danse. Qu'une pute, ça reste une pute même si elle porte une robe blanche. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant le retour de son sacrifice. J'ai vu la vie et tous ses espoirs. J'ai vu ma mère et tous ses sacrifices. Passer toutes ces nuits dans le noir, attendant son corps santé par ses vices.